Comment ça va mon bon Alain? J'espère que tes vacances se passent bien. Et si le temps est pas super top, quand il pleut pas, et ben il flotte. Bientôt 2 semaines que t'es parti. Tu prends du repos en Normandie. Tu nous as laissé ton teckel, alors on donne quelques nouvelles. T'inquiète pas Alain, ton chien va bien. Il mange la pâtée tous les matins. Il aime aller dans le jardin. T'es au courant pour ta maison. Elle a fait boum, elle est béton. Tout est calbute, parti en flamme. On peut pas dire que ce soit un drame. Partir à zéro, c'est sympa. Tu sais même pas la chance que t'as. Ta femme, c'était pas Pénélope. Ça alors. Puis des enfants, t'en feras d'autres. T'inquiète pas, Alain. Ton chien va bien. Il mange la pâtée tous les matins. Il aime aller dans le jardin. Le facteur nous file ton courrier. T'as reçu une lettre de ton banquier. Il y a marqué urgent et rappel. Parce que ce soit une bonne nouvelle, on a quand même vu un huissier qui traînait l'autre soir dans le quartier. Il est venu frapper à la maison. Il cherchait le 13 rue Funon. Punaise, si t'avais vu sa tête quand il a vu que ta maison, il en restait plus que des miettes. Et puis qu'elle valait plus un rond. Tu vois, c'est pas si mal tombé cette fuite de gaz finalement. Y'a toujours du bon dans le mauvais. Et puis ton chien il est content. T'inquiète pas Alain, ton chien va bien. Il mange la pâtée tous les matins. Il aime aller dans le jardin. Alain, je suis désolé. Ta maison, elle a pas pété. Tes enfants et ta femme vont bien. Puis tes caleçons, ben ils ont rien. C'est pas très joli de mentir. Mais on savait pas comment dire. Tu ferais sans doute mieux de t'asseoir. C'est à propos de ton clébard. En fait, Alain, ton chien va mal. Je sais pas pourquoi, il est tout pâle. Je sais bien que c'est qu'un animal. Pour un teckel, c'est pas normal. Quand on sonne chez nous, il détale. Il hurle au loup sur Claire Chazal. Il pue de la gueule, c'est infernal. Il traîne une odeur de maroilles. Il se laisse aller sur les pieds de table. Il a des poux, des acariens. Sa fourrure elle sent le boudin. On l'a aspergé de parfum. On lui a même fait prendre un bain. C'est fou ce qu'il pue ton copain chien. J'espère que tu seras rentré demain. Bah ouais Alain, il faut que tu reviennes. Bah ouais Alain, il faut que tu reviennes. Bah ouais Alain, il faut que tu reviennes. Bah ouais Alain, il faut que tu reviennes. Où il termine dans le ravin. Où je le finis à coup de burin. Où je l'attacherai à un rond-point. Et on conclut sa vie de chien. Alain,